chaîne dans l'eau le causait. Que d'autres croyaient encore bien en profiter. Tout allait se dire au passé composé. La plaine était restée longtemps inhabitée. Le vieillard roi du fond des temps reposait. Tout ce qui arriva pouvait être évité. Mais ils sont venus, ils ont tout osé. Le ciel était lourd, ils ne demandaient qu'à parler. Un silence trop sourd, ce soir la régnée. Quand soudain, violent éclair l'a fêlé. Le début d'une autre semblait être signé. Avec plein d'hommes armés pour accompagner, tandis que de toutes parts on accourt déboussolée. Aucune vie d'ici devrait être épargnée. T'en as plus pour longtemps.